Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours au doux mon amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean, et restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. De ces fauvettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Les baisers de passion de ces fauvettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. fait de nous toujours des errants. Sur mon chaland, sautant d'un quai, l'amour peut-être s'est embarqué. Aimons-nous ce soir sans songer à ce que demain peut changer. Au fil de l'eau, point de serment, ce n'est que sur terre qu'on la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.